الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le troisième principe et le dernier de cette risala, de ce petit livre, il parle de la connaissance de notre prophète صلى الله عليه وسلم. Connaissance d'Allah, connaissance de la religion de l'islam. Maintenant, troisième principe, c'est la connaissance de notre prophète صلى الله عليه وسلم. Connaître le prophète صلى الله عليه وسلم consiste à connaître cinq choses. D'abord, connaître son origine صلى الله عليه وسلم. La lignée du prophète صلى الله عليه وسلم est pure et noble. Elle remonte à Ibrahim عليه السلام. Il est Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr. Nadr c'est Quraysh. Ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaymah, ibn Mudraka, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'd, ibn Adnan. Ça, c'est la lignée jusqu'à Adnan. De Adnan, à partir de Adnan, la lignée est vague. Hein? Les historiens divergèrent sur ce qui reste de la lignée. Mais on est sûr qu'elle remonte jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans un hadith, je ne me rappelle pas textuellement du hadith, mais il dit, Allah a élu les Arabes de Bani Ismaïl et a élu d'entre les Arabes Kinana et a élu Quraysh de Kinana et il a élu de Quraysh Hashim et m'a élu de Bani Hashim et m'a élu de Bani Hashim. Je fais donc partie des meilleurs issus des meilleurs, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et il est issu sallallahu alayhi wa sallam d'un mariage légitime, ça veut dire avec la présence des témoins et avec la présence du tuteur, etc. C'est un mariage légitime. On sait que les Arabes, à l'époque de l'Jahiliya, il y avait différents mariages à leur époque. Il y avait des mariages qui ne sont pas légitimes. Relation, par exemple, libre entre la femme et une femme qui prend un amant, il y a les femmes esclaves qui élevaient à la porte de leur maison un drapeau rouge pour signaler leur présence et recevoir les habitués. C'est une sorte de mariage de Jahiliya. Où il y a aussi que l'homme, il cède sa femme à un noble pour avoir des enfants qui sont nobles, qui sont issus d'une lignée noble. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est issu d'un mariage légitime. Donc, connaître son origine. La deuxième chose, connaître son âge, son lieu de naissance et son immigration. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans au pèlerinage d'adieu sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné comme offrande son chameau qui était destiné à être sacrifié au pèlerinage d'adieu, et il a égorgé 63 sallallahu alayhi wa sallam. 63, il s'est fatigué et il a donné le reste à Ali, les 37 qui restent. Et ça coïncidait, entre parenthèses, les 63 chameaux qu'il a égorgés avec son âge, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, donc connaître son âge, son lieu de naissance, bien sûr c'est la Mecque, et il a émigré vers Médine. Troisième chose, connaître sa vie prophétique. La vie prophétique, la vie où il a reçu la révélation, 23 ans. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. La quatrième chose, c'est concernant sa risala et sa nubuwa, sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie et le fait qu'il est envoyé. Comme a dit le cheikh, il a reçu sa première prophétie par le verset « Lis au nom de ton Seigneur ». Par cette révélation, il est devenu nabi, prophète. Et il est devenu rasoul, envoyé, c'est-à-dire transmetteur du message, messager, par la sourate al-Muddassir, qui signifie l'envelopper dans ses couvertures. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha al-Muddassir, qum fa'anzir hein? » Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ô toi l'enveloppé dans les couvertures, lève-toi puis avertis et exalte la grande magnificence de ton Seigneur. La cinquième chose, Allah l'a envoyé pour quoi? Pour transmettre quoi? Il l'a envoyé comme nazir wa bashir, annonciateur et avertisseur. Annonciateur de la bonne nouvelle, le paradis. Et il a montré la voie qui mène vers le paradis et en priorité le tawhid. D'accord? Le monothéisme. Et avertisseur, il a mis les gens en garde contre le châtiment de l'enfer et les a mis en garde contre le fait de suivre la voie qui mène vers l'enfer, à savoir en priorité le shirk, l'association, le péché qu'Allah ne pardonne pas. D'accord. Donc, il a dit, rahimahullah, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, lequel est de la tribu de Quraysh, faisant partie des Arabes, et ceux-ci sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah, alayhi salam. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, donc 40 ans avant la mission, et 23 ans en tant que prophète. Il a reçu sa première prophétie par le verset « Lis au nom de ton Seigneur »« Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq » Puis il fut chargé du message et devint rasoul et devint messager par la sourate al-Muddathir qui signifie l'envelopper dans ses couvertures. Sa ville natale est la Mecque. Sa ville natale et la Mecque, et il faut ajouter une phrase là. Thumma hajara ila al-Madina, et il a émigré vers Médine. Allah le chargea de la mission divine et de prévenir l'humanité contre le polythéisme, contre le shirk, et de prêcher le monothéisme, le tawhid. L'évidence est dans les citations divines suivantes. Ô toi l'enveloppé dans les couvertures, lève-toi puis avertis et exalte la grande magnificence de ton Seigneur et tes vêtements, wasiyabaka, tes vêtements purifie-les et abandonne définitivement la souillure, on va mettre la souillure à la place des impuretés, et n'offre pas de donation avec l'idée préconçue d'obtenir en retour plus qu'il ne faut, et patiente et endure pour la cause de ton Seigneur. Wali rabbika fasbir, sourate 74 et les versets de 1 à 7. Donc ça c'est la preuve qu'en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens vers le tawhid et les a mis en garde contre le shirk. Wa ma'na qum fa'anzir, la signification de lève-toi puis avertis. La signification de ce verset veut dire préviens contre l'association et préviens-les contre l'association et invite-les au tawhid. Donc mets les gens en garde contre le shirk, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Quiconque mécroit au taghut et croit en Allah saisit la lance la plus solide, dans sourate 2 le verset 256. Donc quiconque mécroit au taghut, kofur bit-taghut, donc s'éloigner du shirk, n'adore pas le tarot, c'est désavoue des fausses divinités et de leurs adeptes, et croit en Allah. Donc il faut d'abord nettoyer, mécroire au tarot, se désavouer du shirk, nettoyer son cœur, purifier son cœur de ses fausses croyances pour y mettre le tawhid. On ne peut pas bâtir sur des ruines, il faut enlever les ruines, il faut bâtir sur des bases solide pour y mettre le tawhid, pour se dévouer après avoir purifié notre cœur, on se dévoue à Allah subhanahu wa ta'ala en lui adressant tous les actes du cœur, à savoir l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension et les actes du corps, la salat, le jihad, la prière, la zakat, l'amr bil ma'ruf, le nahy al munkar, propager le convenable et mettre les gens en garde contre le blâmable. Donc mettre tout ça, donc enlever les fausses croyances pour mettre le tawhid, le dévouement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose, Cheikh, il a dit le shirk. La première chose qui mène à l'enfer, c'est l'association, parce que c'est la plus grande injustice. Le shirk, il est pire que le crime. Allah, il peut pardonner au criminel s'il se repent, comme celui qui a tué 99, il a terminé par 100. Le dévou, le hadith, c'est connu, mais il est rentré dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, Allah, si la personne ne se repent pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'espoir pour lui qu'il sort de l'enfer et qu'il rentre au paradis éternel en enfer. Ayyu dhanbi a'dam, comme a dit la personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave? Alors sallallahu alayhi wa sallam قال أن تجعل لله نذا وهو خلق وهو خلقك. Que tu fasses ou que tu donnes des égaux à Allah, donner à Allah des égaux alors que c'est lui qui t'a créé. Et la personne l'a demandé summa ay, et quoi encore, quel est le péché après ce péché là, quel est le péché le plus grave? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, que tu tues ton enfant par crainte qu'il partage la nourriture avec toi, ou par crainte de la pauvreté. ثم أي رسولallah, et quel encore, et ensuite quel est le plus grand péché? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que أن تزاني بحليلة تجارك, que tu commets la fornication avec la femme de ton voisin. Et conformément à ce hadith-là, Allah il révéla والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah il dit dans sourate al-Furqan, qui n'invoque d'autres dieux avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Sourate 25, sourate Furqan, et le verset 68. Et il est la grande injustice, la plus grande injustice, comme a dit Luqman à son fils quand il l'exhortait, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ô mon enfant, ne donne pas d'associer à Allah, car le shirk, l'association, est une injustice énorme. Averti. Lève-toi puis averti. Averti les gens contre le shirk. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Et exalte la grande magnificence de ton Seigneur. C'est le tawhid aussi. Et tes vêtements purifie-les. Certains ont expliqué le terme vêtements, siyabak, par les actes. Ça veut dire وَسِيَابَكَ فَطَهَرْ. Ça veut dire que la personne, il porte les vêtements et il porte aussi les actes. Et ils ont donné des exemples dans la langue arabe, dans les poèmes de la jahiliya et tout, que thiyab, ça veut dire acte. D'autres exégètes, ils disent que vêtements, c'est des vrais vêtements. Ça veut dire le sens apparent. D'accord? Et abandonne définitivement les souillures. Ou arrijza fahjor. Arrijz ou arrijz avec z, avec zin, ou avec s, rijz, ou riks. Tout ça, c'est, en langue arabe, c'est les souillures, najasa, les souillures, les impuretés, les souillures, soit matérielles ou non matérielles. Tout ce que répugne la fétra de la personne, hein, tout ce qui répugne la raison et sa prime nature. Il y a les impuretés, les souillures matérielles, comme dans surat al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qul la ajidu » فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est un rijs, ou rojza fahjur, c'est un rijs, car c'est une souillure, donc matériel. Le sang qu'on a fait couler, la bête morte, la chair de porc, ça c'est najasa, c'est souillure matérielle. Ou ce que par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah dans la sourate 6, sourate An'am, le verset 145. Les souillures non matérielles. Les souillures non matérielles, quand Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Dans sourate Al-Hajj, sourate 22 et le verset 30. Donc, souillure des idoles, c'est une souillure, si vous voulez, qui n'est pas matérielle. Mais c'est une souillure. C'est un rijs. Et on dit aussi que rijs veut dire le châtiment. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. Mais à ces paroles, les pervers, dans sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais à ces paroles, les pervers, parlant des fils d'Israël, en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un rijs, un châtiment avilissant. Donc, rijs, dans ce verset, veut dire châtiment. D'accord ? قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. Dans sourate Al-A'raf, Hud, quand il s'est adressé à son peuple, il dit, vous voilà frappé de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Supplice, rijs, donc un châtiment, ou supplice, ou souillure matérielle, comme le sang, la chair du porc, ou non matérielle, comme souillure des idoles. Il passa ainsi 10 années prêchant le monothéisme. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. Il passa ainsi 10 années prêchant le monothéisme et après cette décade, il fit sa célèbre ascension au ciel. يدعو إلى التوحيد. Il prêche le monothéisme. 10 ans de tawhid. Il y a 10 ans de tawhid. Disons, la salat n'a pas été ordonnée. Ni la salat, ni la zakat, ni le hajj, ni le jihad. Il y avait certaines lois, mais qui sont soulignées globalement. Qu'il faut donner l'aumône et tout. Mais c'était global. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am, « Kulu min thamarihi idha athmara » وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Là, dans ce verset, Allah, il recommande aux musulmans de donner une part des récoltes, manger de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car ils n'aiment pas les gaspilleurs. Donc, il y avait des, comme par exemple le Mutaffifin, qui est une sourate les fraudeurs, qui est sourate mécoise. Il parle de la fraude. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Les fraudeurs, parlons des fraudeurs. Interdiction, par exemple, d'enterrer les filles vivantes. C'est évoqué dans des versets qui ont été révélés à la Mecque. Il y avait certaines lois, mais c'était souligné globalement. Interdiction de certains aliments, comme le verset qu'on a évoqué, le sang, la bête morte, etc. Mais les détails de ces lois ont été révélés à Médine. Mais les dix années, c'est le tawhid qui prime sur toute autre chose. 10 années. Donc, c'est ça pour vous montrer l'importance du tawhid. C'est pour cela que la da'wah de tous les prophètes était l'unicité. Était le tawhid. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons envoyé avant toi que pour qu'il lui fût révélé ce message, le message suivant, à savoir adorer Allah. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc c'est ça le message à tous les prophètes, et c'est ça le point commun entre tous les prophètes. Inna ma'ashara al-anbiya, comme dans le hadith de Bukhari, nous, communauté des prophètes, nous sommes des frères. Ikhwa. Ma'ashara al-anbiya, ikhwa. Li'allat. Ummahatuna shatta wa abuna wahid. Nous avons un seul père, mais nous avons différentes mères. Un seul père, l'unicité. Différentes mères, les législations. Parce que chaque prophète ou chaque envoyé vient avec une législation nouvelle qui abroge l'ancienne législation. D'accord ? Liyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il dit la première chose que tu dois les inviter à le faire, c'est d'abord de témoigner que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Donc c'est la porte vers l'islam, et la personne ne doit mourir qu'en étant mouahid, monothéiste. D'accord ? C'est la première chose dont on doit s'intéresser dans notre da'wah. Et les autres prescriptions n'ont été révélées que pour célébrer le tawhid, que pour réaliser le tawhid. La salat n'est que pour réaliser le tawhid. La zakat, pareil. Le pèlerinage, le jihad, le pèlerinage. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayti alla tushrik bi shay'a. Et quand nous assignâmes à Ibrahim l'emplacement de la maison, ne m'associe personne. Dans surat 22 et le verset 26. Le jihad. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Et dans sourate Anfal, ويكون الدين كله لله. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de shirk, de fitna, ici c'est le shirk, et que la religion soit entière à Allah. Sourate 8, le verset 39. Donc il n'y a pas de choses plus importantes que le tawhid. Et il n'y a pas de plus important que le tawhid, les autres piliers aussi. Après le tawhid, les autres piliers, et c'est la salat en priorité, la prière. Après, c'est les zakat et les autres piliers de l'islam. Donc, ces adorations n'ont été recommandées qu'après la salat, vu, malgré son importance, la zakat, le pèlerinage, le jihad, malgré leur importance, ils n'ont été révélés qu'après 10 ans. 10 ans. Qu'après 10 années de révélation. D'accord ? Après l'immigration vers l'Abyssinie, après la mise au ban des musulmans, quand les Quraysh ont écarté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les Bani Hashim, et que Abu Talib, il s'est éloigné de la Mecque et il s'est réservé à un endroit à l'extérieur de la Mecque qu'on appelle Shab, le vallon, ce qu'on appelle le vallon de Abu Talib. On a parlé de ça dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après après la mise à l'épreuve dans le Taif, quand les gens ont jeté des pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort de beaucoup de compagnons, entre temps ils n'ont ni prié, ni donné de zakat, ni fait le jihad, et ils sont morts mouahidin. L'importance de tawhid, de l'unicité, et ça leur a suffi, l'unicité ça leur a suffi pour rentrer au paradis et même gagner les plus hauts degrés du paradis. Donc le tawhid est le début de tout ordre, de toute affaire. C'est pour cela qu'il doit primer sur toute chose dans l'éducation des gens, des enfants, dans la propagation. Toute la da'wah qui ne commence pas par ce qu'ont commencé les prophètes est vouée à l'échec. Bien sûr, il faut donner de l'importance aussi aux autres. Le prédicateur, la prédication, la da'wah doit couvrir tous les aspects. Les bonnes valeurs, le bon comportement, husnul khuluq, parce que le bon comportement rentre dans le tawhid, rentre dans l'iman, wal haya'u. Et la pudeur est une branche de l'iman. Il rentre dans l'iman. Donc celui qui a un mauvais comportement, son tawhid est très bas. Le tawhid ne se réduit pas à une théorie. À une connaissance. Je connais les noms et les attributs, je sais que nul n'est en droit d'être adoré et tout, mais le comportement, zéro. Alors là, si le comportement, la personne n'a pas de bon comportement de husnul khuluq, son tawhid il est bas parce que le comportement il rentre dans son tawhid. La pudeur qu'il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, la pudeur envers les gens, khuluq, le bon comportement rentre. Donc la prédication doit couvrir tout. Husnul khuluq, le bon comportement, apprendre aux gens comment adorer Allah, etc. Le fiqh, le tarhib wa tarhib, les motiver, hein, pour concourir à faire des bons actes. Mais tawhid, il est la base. Wa ba'd al-ashr, urija bihi ila as-sama'. Après cette décade, il fit sa célèbre ascension au ciel, où il reçut l'ordre et les instructions de l'instauration de la pratique des cinq prières quotidiennes. Faridat alayhi salawat al-khams. Il a été élevé vers le ciel, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, jusqu'au lotus de la limite, ou jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah, il dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire certaines de nos merveilles. La sourate 17, c'est le verset 1. Donc, il y avait le voyage et l'ascension. Corps et âme, subhanalladhi, asra bi'abdihi, fit voyager son serviteur. Et qui dit serviteur, c'est corps et âme, et ce n'est pas un songe, comme prétendent certains. Et Al-Isra, ça veut dire le voyage nocturne, a eu lieu une seule fois. Jibril est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'a fait monter sur ce qu'on appelle le Buraq. Hein, sur le Buraq. Et quand il a fait son ascension vers le ciel, la porte du ciel leur fut ouverte, et il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Adam, il a vu Isa et Yahya, il a vu Yusuf, il a vu Idris, il a vu Haroun, Moussa, et il a vu Ibrahim adossant le Beit al-Ma'mour, adossant la demeure sacrée qui est au ciel, la Kaaba des anges, le Beit al-Ma'mour. Et il fut élevé jusqu'à Sidrat al-Muntaha, ثم دنا فتدلى, Allah dit dans Surat al-Najm, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. Puis il se rapprocha et descendit encore. Il se rapprocha, c'est Jibril qui s'est rapproché. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à deux portées d'arc, au plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ça veut dire que c'est Allah qui a révélé à son serviteur ce qu'il révéla, les cinq prières. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa vraie forme. D'accord ? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Il avait vu en une autre rencontre, c'est-à-dire Jibril, près du lotus de la limite ou près du lotus des confins, près d'elle se trouve le jardin de l'ma'wa, le jardin paradisiaque. Et il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis. Et il a vu l'enfer, et il a vu Amr ibn Luhay al-Khuzai, celui qui a changé la religion de Ismaïl, et il l'a vu, le prophète sallam l'a vu en enfer, et il a vu la femme qui a privé la chatte de toute nourriture et l'a laissée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il fit sa célèbre ascension au ciel, où il reçut l'ordre et les instructions. Les cinq prières quotidiennes. C'était 50 au début, et Allah l'a réduit à 5 prières. Donc, cet ordre a eu lieu sans l'intermédiaire de Jibril, à un endroit que ni envoyé, ni ange rapproché n'a pu atteindre. À cet endroit-là, Allah il révéla l'obligation de la prière, vu l'importance de la prière. Il pratiqua, sallallahu alayhi wa sallam, ses prières à la Mecque durant 3 ans. Après quoi, il reçut l'ordre d'émigrer vers Médine. C'est le hijra, qui signifie l'émigration. L'abandon de la ville du shirk vers la ville de l'islam, le hijra. Le hijra a deux sens. Le hijra a deux sens. Il a un sens général. Il a un sens général, c'est l'abandon de ce qu'Allah a interdit. Al-muhajiru man hajara ma harram Allah. Ou comme a dit le professeur, le muhajir est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Ça veut dire abandonner tout péché, c'est ça, le sens général. Et il y a un sens spécial. C'est le fait de quitter le pays du shirk, du monothéisme, vers le pays de l'islam. Et il y a une autre sorte de hijra aussi. Quitter le pays où on vit dans l'insécurité vers le pays où on est en sécurité, où on peut pratiquer notre islam tranquillement, en sécurité. Et les savants, certains savants, ont ajouté une troisième sorte de hijra, c'est de quitter le pays où il y a beaucoup d'innovation vers le pays de la sunna. Et ça, ça a eu lieu à un moment où les mu'tazilites... La secte mu'tazilite a prévalu sur la secte de la sur les gens de la sunna et le jama'a, au point de séquestrer les gens de la sunna, au point que les juges ils mettaient comme condition pour marier quelqu'un, c'est qu'il doit reconnaître que le Coran est créé, sinon on ne le marie pas, il doit témoigner. Et certains savants ont donné la fatwa comme quoi il faut quitter ce pays-là vers le pays de la sunna. Imam Malik, rahimahullah, il dit « Je ne résiderai jamais dans un pays où on insulte Abu Bakr et Omar. » Donc le fait de quitter le pays du shirk vers le pays de l'islam et le fait de quitter le pays de l'insécurité vers le pays où on vit en sécurité, ces deux hijras ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra du pays de l'insécurité vers le pays où on vit en sécurité, c'est la hijra vers l'immigration vers l'Abyssinie, d'accord, où les compagnons Ja'far ibn Abi Talib, Umm Salama, Abu Salama, Uthman et d'autres ont émigré de la Mecque vers l'Abyssinie. Et il y a aussi quitté le pays du coffre de la mécréance vers le pays de l'islam. C'est l'immigration du prophète Hassan quand il a quitté la Mecque vers Médine. Wal hijra farida ala hadhihi al umma min balad al shirk ila balad al islam wa hiya baqiyah ila an taqum al sa'a. Al hijra est une obligation imposé à la communauté musulmane pour émigrer du pays de l'idolâtrie vers un pays de l'islam. Et cette obligation persistera jusqu'à la fin des siècles, la dernière heure du monde. Donc l'hijra est une farida. Et le farida, c'est un haut degré de l'obligation. Donc si la personne a les moyens financiers, administratifs, il a la santé, moyens physiques, et il doit quitter le pays du shirk, le pays de mécréance, le pays à majorité, où il y a la majorité des mécréants, vers un pays à majorité musulmane, où on entend l'adhan, où il peut pratiquer sa religion librement et en sécurité. Donc si la personne a les moyens, il a les moyens financiers, il a les papiers qu'il faut, il a tout, et il a trouvé... dans le pays de l'islam, un endroit où il peut vivre en sécurité, où il peut vivre, où il peut pratiquer sa religion comme il veut, il doit quitter le pays de la mécréance. D'accord ? Parce que le fait de rester dans un pays des mécréants, C'est une sorte déjà d'alliance, on agrandit leur nombre, pire encore, on travaille pour eux. Et le musulman, il n'est pas à l'abri de tentations, il n'est pas à l'abri de tomber, carrément, il se peut qu'il tombe, même dans la mécréance. Chaque jour, il voit des scènes, des obscénités, il voit le coffre, il voit les gens de l'enfer, et chaque jour, il est exposé à ça. Avec le temps, son cœur, il risque de mourir, il ne réagit pas quand il voit des scènes comme ça. C'est normal pour lui, ça va devenir une habitude, son cœur ne réagit pas à la vue de ces choses obscènes, donc il risque de tomber lui aussi dans les péchés et tomber dans des tentations. Et surtout, bon, si concernant les enfants, s'il étudie dans des écoles où on bourre les crânes des enfants, on leur bourre le crâne par des fausses croyances, par la mécréance, c'est ce qu'ils sont en train de le faire. Leur culture, elle évolue, leur mode, leur programme à l'école, chaque année, le programme de l'école, il change dans le but d'éloigner les musulmans de leur religion. C'était leur premier objectif. C'est leur premier objectif. Donc, la personne risque, s'il sait qu'il risque de se perdre, de perdre ses enfants, de faire perdre ses enfants, sa femme, ya ayyuhalladhina amanu, qu'ou anfusakum wa ahlikum nara wa qouduha an-nas wal hijar. Hein? Protégez-vous et protégez qu'ou anfusakum wa ahlikum et vos familles, protégez-les de l'enfer. Donc, si la personne, il voit qu'il est en danger ici, il quitte ce pays. S'il a tous les moyens, surtout, s'il a tous les moyens et il a les moyens administratifs et il peut le faire, donc il doit quitter le pays de mécréance. Bien sûr, il y a des cas où la personne ne peut pas parce que certaines personnes ne peuvent pas retourner chez eux, ils sont condamnés à mort ou ils ne vont pas vivre en sécurité et tout. Ces gens-là sont excusés. Des gens, il y a certaines qui n'ont pas les moyens, hein, financiers. Inch'Allah, ils sont excusés. Les moyens aussi, les administratifs, les papiers et tout. Mais la personne qui a tout ça, il faut qu'il fasse les causes pour quitter. Donc, cette obligation persistera jusqu'à la fin des siècles. Parce qu'il y aura toujours le conflit entre le kofr et l'iman, entre la mécréance et l'iman, entre le bien et le mal. Et tant qu'il y a le conflit, donc la hijra reste toujours obligatoire. Et le hadith où le prophète dit la hijra ba'da al-fath walakin jihad wa niyya, il n'y a pas de hijra après le fath, après l'ouverture, c'est après la prise de la Mecque, hadith de Muslim. Il n'y a pas de hijra vers la Mecque. Il n'y a pas de hijra après la prise, après l'ouverture de la Mecque, ça veut dire il n'y a pas de hijra de la Mecque vers Médine, hein? Parce que la Mecque c'est devenu un pays, une ville, il y a des musulmans où la loi d'Allah s'applique, donc il n'y a pas de hijra de la Mecque. Les gens pratiquent leur religion comme en sécurité, comme ils veulent, donc c'est pas un lieu qu'on doit quitter. L'évidence d'Allah à ce sujet, dans le Saint-Coran, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, les anges, en leur réglant leur compte, à leur décès, leur demanderont « Où étiez-vous ?» Et ils répondront « Nous étions faibles, impuissants et oppressés sur terre. » Et les anges leur répliqueront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer ?» Hein? Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans surat Nisa, « Inna alladhina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. » Allah il dit dans surat Nisa aussi, « Wa man yuhajir fi sabilillahi, yajid fil ard muraghaman kathiran wa sa'a. » Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera large espace pour narguer. Pour narguer qui? Muraghaman, pour narguer le kafir, pour narguer le mécréant. Dans surat 4 et le verset 100, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il montre que c'est Shaitan qui nous fait peur de la pauvreté, la perdition, la misère. Il dit, si on quitte le pays du kofr, on va vivre dans la misère, etc. Mais la personne, s'il a la confiance en Allah, Allah lui ouvre des portes. Le reste du verset de Sourate An-Nisa, cela, leur refuge sera l'enfer et leur sort est des plus mauvais. Donc ceux qui n'ont pas immigré, malgré les moyens, c'est pas ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas les moyens ont des excuses. De même pour le prédicateur, mais le prédicateur aussi doit au moins résider dans un pays musulman et venir dans le pays de la mécréance pour propager l'islam. Il ne doit pas dépendre d'eux, parce que s'il dépend d'eux, il va tomber dans leur piège, il va tomber dans des problèmes. Le reste du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait exception. Il dit, sauf les faibles, impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables d'astuces et n'ont aucun guide pour les orienter dans la bonne direction, cela puisse Allah leur pardonner, car Allah pardonne toujours et absout les péchés, dans Sourate 4 et le verset 97 à 99. La cause de ce verset, c'est que il y avait des musulmans qui n'ont pas émigré. Et à la bataille de Badr, les Quraysh, les Kuffars de Quraysh, ont contraint ces musulmans à combattre avec eux. Et ils les ont emmenés par force jusqu'à Badr. Et les compagnons, lors du combat, ils ont dit, nous avons tué nos frères. Et Allah, il fit révéler ça. Il a dit qu'ils étaient obligés, qu'ils avaient les moyens. Ils peuvent émigrer, ils n'ont pas émigré. Donc ils n'ont aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il faisait partie de ceux qui étaient parmi les impuissants, parmi les faibles. Il dit, Ibn Abbas lui-même, ma mère et moi étaient parmi les mustadafil, faisaient partie des faibles. Abdullah ibn Abbas et sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أو mes adorateurs, les croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi seul. C'est le verset qu'a dit Cheikh Rahimallah. Et il dit, le savant théologien Al-Baghawi Rahimallah a dit, la raison de la révélation de ce verset, سبب نزول هذه الآية, la raison de la révélation de ce verset était pour inciter les musulmans qui ne quittèrent pas la Mecque à émigrer. Et Allah alors les appela au nom de la foi à émigrer. Ça veut dire que c'est des musulmans. Ils gardaient l'iman. La personne, s'il ne fait pas l'hijra, même s'il ne la fait pas avec les moyens, même s'il a les moyens, et il ne la fait pas, il n'immigre pas du pays des mécréants vers le pays de l'islam, il reste quand même musulman, il reste quand même dans l'iman. D'accord ? Le tark al-hijra laysa kufra. L'abandon de l'hijra n'est pas de la mécréance, mais c'est une porte vers la mécréance, parce qu'il risque de tomber dans les tentations, il risque d'être influencé par ces mécréants-là, surtout s'il manque de connaissances et il manque de iman. Ici, le texte, le Cheikh Rahmallah, il n'a pas évoqué textuellement la parole de Al-Baghawi. Il a dit juste le sens de ce qu'a dit l'imam Baghawi. À savoir, quand il a dit, la raison de la révélation de ce verset du Coran était pour inciter les musulmans qui ne quittèrent pas la Mecque à émigrer à Allah, alors les appela au nom de l'imam. D'accord ? Au nom de l'imam. Donc ça, c'est une preuve que celui qui n'émigre pas, même si c'est volontaire, que ce n'est pas un mécréant. D'accord ? Parce que dans Sourate Al-Fath, ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. Allah il dit dans Sourate Al-Fath, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi capable d'une action répréhensible, tout cela est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde.